Hey, bonjour, bonsoir, ou bon dodo, c'est avec François Faustin et bienvenue dans mon petit podcast que je fais, souvent parce que j'arrête juste pas de parler tout seul et que là je trouve une façon de pouvoir parler tout seul, mais d'avoir une raison. Alors, voilà, à grain de parler de choses extrêmement geek et sûrement racistes. Alors, faudrait peut-être cacher vos parents et pour une fois partager quelque chose avec votre petit frère, petite sœur. Ouais, j'y dis. En passant, ce podcast n'est pas commandité par Pepsi, même si je bois ça en ce moment. Et surtout que Pepsi s'est rendu hippie, parce que maintenant ils font une petite campagne appelée Ici c'est mieux. Ils sont prêts à donner des bourses pour les gens qui veulent aider les autres. So, Pepsi, après des années à nous rendre super gros, à nous faire perdre nos dents, vous êtes prêts à donner 100 000 dollars en bourse pour les grandes organisations qui disposent de beaucoup de temps et de ressources. Hippie! Sinon, en ce moment, juste en marchant dehors, en allant chercher mes sushis pour pouvoir bouffer, parce que ma mère a juste rien donné pour que je puisse dîner. J'ai pensé à jouer à Fallout, parce que j'écoutais du Julie Garland, Under the Rainbow. Et je me suis dit, fuck! J'ai arrêté de jouer à ce jeu-là. Parce que ce putain de jeu, je passais mon temps à écouter de la vieille musique, tirer les squelettes, puis headshot des êtres humains. Avec la petite musique joyeuse comme tu tu tu tu tu tu tu tu on the rainbow. Punch shot! Sur une tête d'être humain, c'est assez perturbant. C'est. En plus, je suis rendu à un point où je peux avoir la capacité à gagner un peu d'énergie en bouffant d'autres êtres humains. Soit je suis comme, je te tire dessus, je bouffe ton cadavre, après je continue mon chemin. Ah là là, je suis à la recherche de mon père. Oh, salut toi, je te tue, je bouffe ta main, je prends ton fusil. Puis je fais la même chose à ton ami. Waouh. Sinon quoi d'autre? À part être en plein pré-dépression ou post-dépression. Je pense que là, je suis en post-dépression. Post et non pote. Oh, j'ai fait un petit marathon de Samurai Jack. Première saison. Là, je suis en conflit avec moi-même pour acheter la deuxième saison parce que il me reste un jour de congé. C'est aussi 3 épisodes, 13 épisodes. Mais est-ce que je vais pas pouvoir me reposer parce que demain j'ai travaillé? Là, je me suis dit, j'attends la prochaine paye qui est dans 2 jours. So, Samurai Jack. Pour ceux qui connaissent pas, Samurai Jack, c'est la meilleure émission de samouraï fait par des blancs. C'est sombre, c'est vrai. Vous allez me dire, il y a Samurai Jack, non, Afro Samurai plutôt. Mais Afro Samurai est fait à moitié par des Japonais et créé par des Japonais. Tout un Japonais. Donc Samurai Jack est créé par Monsieur Tartakovsky, qui a fait le laboratoire de Dexter, qui est un Russe. Alors, pour certains qui diraient que les Russes sont pas blancs, ils seraient gris. Mais, fuck them. Alors, Sarah Jack, qui est vraiment épique. À chaque image de combat, on a l'impression de voir tableau de combat japonais. La seule chose qui manquerait vraiment à ce côté épique, ce serait des monstres avec des tentacules qui se feraient des bonnes femmes couchées sur des lits. Sinon, il y a Phil la mort et Mako. Deux personnes qui font énormément de voix. Mais pour le cas de Mako qui faisait, qui font beaucoup de voix qu'on entend souvent dans le monde de l'animation ou du jeu vidéo, qui se font absolument rien. Parce que Samurai Jack est une série qui pouvait aller continuellement sans dialogue. La seule chose que Samurai Jack dit, c'est Ah! I am Samurai Jack. I will destroy Aku. Vous pouvez... Ah! C'est quand même la série la plus basic, la plus simple à écouter, mais qui est tellement bon au niveau de l'action. Si vous aimez les robots qui se font slicer, et que vous aimez aussi les mondes magiques, parce que c'est vraiment la technologie dans un épisode, puis boum, après on se retrouve à avoir la magie, et même les deux se rencontrent. On a vraiment un bon goût du vrai combat épique. Surtout que chaque dessin ressemble à un putain de tableau japonais. Sinon, j'ai lu quelque part que Monsieur Tartakovsky, j'adore ce nom, a pris beaucoup d'inspiration de Ronin fait par Monsieur Frank Miller, monsieur qui nous a donné The Dark Knight Return, Batman. Si vous connaissez pas ça, qu'est-ce que vous faites à écouter mon podcast? Si Ah, sinon, ce serait un peu tout. Deuxième saison, je vais l'acheter jeudi. Et sûrement l'écouter, quoi, lundi. Vous m'en donnerez des nouvelles. Vous pourriez m'en donner des nouvelles. Samurai Jack, ça destroy. Si vous ne me croyez pas, achetez la première et deuxième saison. Mais. Une gorgée de Pepsi. Ah, Pepsi. T'as pris mon argent, t'as pris mes dents, t'as pris mes reins, et tu me donnes même pas 100 000 $. En quoi d'autre sans ce merveilleux mois de mai? Heroic Age de Marvel commence. L'âge héroïque. Marvel essaie de fêter ça comment? La plupart de leurs covers ont un super cover avec leur super-héros sur une statue. Ouais, statue. Un petit podium. Puis c'est marqué Heroic Age en bleu. Un peu comme un peu. Qu'est-ce qui est devenu un peu ma chambre en ces quelques mois? Mais c'est fantastique. J'irais peut-être me prendre le Variant de Moon Knight. Étant un grand fan de Moon Knight. C'est-à-dire j'aurais deux copies de Moon Knight. Peut-être aussi la copie d'X-Men parce qu'il y a Emma Frost, Cyclope, Magneto. Il y a Pussy Bitch Namor. J'adore Pussy Bitch Namor. Ouais, le wreckage commence. Pas oublier. Atlas. Si vous connaissez pas Team Atlas, c'est la team de super héros, oui. Ou de super vilains rédomptés. La plus fucked up du monde. Il y a Gorilla Man. Il y a Monsieur Wu. Il y a Nemora, la cousine de Pussy Bitch Nemor. Il y a Vénus, une bonne femme qui chante et qui fait t'es hypnotisé. Elle a fait le tour à Sentry, prouvant sa puissance. Il y a Uranian ou Marvel Boy, le gars, le télépathe le plus fucked up du monde. J'adore ce personnage-là. J'ai acheté la mini-série qui était en 3 parties. Malheureusement, j'ai pas pu avoir le troisième numéro. J'ai sûrement acheté ça en trade et donné les comics à mon petit frère. Pas parce que je suis un bon grand frère, juste parce que je veux le trade et ça me tente pas d'avoir les comics qui remplissent ma boîte et le trade. Je suis un douche. Ou peut-être j'ai gardé les comics. Comme ça, un jour, si je vais dans un Comic Con et que l'auteur est là, je vais pouvoir lui faire signer avec le trade. Puis je pourrai afficher ça dans ma chambre. Puis là, je serai oh, bling bling. Puis je serai pas une pièce comme ça. Parce qu'il sait comme aujourd'hui. T'as beau en avoir 100 000, tu fais pas une scène. Sinon, quoi d'autre? Côté DC, Mr. Bruce Wayne revient en vie. Ou est sur le chemin de revenir en vie. Pour ceux qui ne savaient pas, Bruce Wayne, Batman est mort. Et comme c'est DC Comics et qu'ils l'ont dit dès le premier numéro qu'il n'était pas mort totalement, que son âme était dans une autre dimension, il allait revenir. Ça a pris quoi? Un an? Ce qui est la normale chez DC. Personne crève. Tout le monde revient à la vie. Tout avec Blackest Night. Si vous arrêtez Blackest Night, ça se résume à... Tous ceux qui sont morts sont revenus. Et... La lanterne blanche a battu la lanterne noire. Après, on me traite de raciste. Mais c'était bon, pareil. J'ai acheté le trade. J'ai acheté le comic Director Cut. Ça va être passionnant. Et à part ça, dernier gorgée de Pepsi. J'allais me cacher dans mon coin. C'était François Faustin. Et pour votre information, je t'en slip.